إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا لكتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inchallah sur l'explication de ce hadith, sur l'explication du hadith concernant l'évocation du prophète sallam, ou l'invocation plutôt du prophète sallam, lorsqu'il se réveillait la nuit, le hadith de Abdallah ibn Abbas, qui nous enseigne que lorsque le prophète sallam se réveillait la nuit, alors il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il se réveillait pour prier et pour adorer son Seigneur, alors il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, qawluka al-haq wa wa'duka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wal naru haq wal sa'atu haq. Allahumma lakal aslamt wa bika amant wa alayka tawakkalt wa ilayka anabt wa bika khasamt wa ilayka hakamt, faghfir li ma qaddamt wa ma akhart wa asrart wa a'lant, anta ilahi la ilaha li ghayruk. Haddathana Thabit ibn Muhammad, haddathana Sufyan bihada wa qala anta al-haq wa qawluka al-haq. Donc on est toujours sur l'étude de cette immense invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait expliqué la première partie. Et dans la dernière allocution, dans le dernier cours, on avait terminé d'expliquer six points qu'avait mentionné le prophète en somme dans cette invocation. Six points importants lorsque, en s'adressant à son Seigneur, il dit « Qawluka al-haq, ta parole est vérité, wa wa'duka al-haq, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité et l'heure est vérité. » Donc on avait dit que le prophète, en invoquant son Seigneur, donc il a mentionné après qu'il ait fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le Seigneur des cieux et de la terre, ensuite le prophète a refait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant laqal hamdu, tu es certes celui qui gère, le gérant de ces cieux et de cette terre, wa man fihinna, et tout ce et de ce qu'ils contiennent, wa laqal hamdu anta nuru samawati wal ard, et à toi appartient la louange, tu es certes la lumière des cieux et de la terre. Et là, le prophète sallam a mentionné ces six choses-là. Ta parole est vérité, ta parole est vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité, et l'heure est vérité. Et donc, dans la dernière allocution, on avait expliqué ces six choses-là, très importantes, jusqu'à ce que le prophète sallam, ensuite, après qu'il ait mentionné ces six choses, et là, il va dire à son Seigneur, Allahumma laka aslamt. Donc, après que le prophète sallam ait dit, certes, ta parole est vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, le paradis, l'enfer, l'heure est vérité. Après qu'il ait mentionné tout cela, regardez, le prophète sallam va évoquer quelque chose de très important et il va dire à son Seigneur, Allahumma laka aslamt. Ô Seigneur, pour toi, je me suis soumis. Donc ici, le prophète sallam va évoquer sa soumission, mais pas de n'importe quelle manière. Dans la langue arabe, le style utilisé dans cette invocation est très fort et pertinent, et très éloquent. Si vous voulez, dans l'invocation, la préposition et son complément ont été devancés. Donc le prophète, en sallam, a dit « laka aslamt, laka aslamt ». On voit que le verbe ensuite vient ensuite, après la Préposition et son complément. Laka aslamt. De cette manière, le prophète sallam l'a formulé. Lorsque la préposition et son complément devancent, lorsqu'on cite cela au début, hein, alors ma'moul muqaddam li ifadatil hasr. Laka aslamt ay inqadtu inqiyadan tamman li shara'ik. Le sens de cela sous-entend une restriction, c'est-à-dire que le bienfait de cela, ou l'utilité, pour être plus précis, donc l'utilité de cela lorsqu'on fait prévaloir, précéder la préposition et son complément dans une phrase, ça va dénoter une restriction. Donc cela sous-entend, dénote, hein, on pourrait dire induit, une restriction. Du fait que lorsque le prophète sallam dit « Allahumma laka aslamt », cela vraiment dénote la restriction que le prophète sallam dit « Pour toi, je me suis soumis. Pour toi, je me suis soumis d'une manière restreinte à Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc cette soumission est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, l'unique. Subhanahu wa ta'ala. Donc le style d'éloquence est très pertinent lorsqu'on fait prévaloir la préposition et son complément. « Laka aslamt », c'est pour cela que l'auteur a Cheikh Al-Athaymin insiste bien sûr sur ce fait-là. Voilà qu'Aslan, pour bien qu'on puisse comprendre. Et c'est pour ça qu'il dit que le sens de cela, je me suis soumis à toi d'une soumission complète, pour ta législation. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonce ici sa soumission complète à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très pertinent puisque après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait fait les louanges d'Allah, après qu'il ait fait les éloges aussi d'Allah en disant qu'il était le Seigneur des cieux et de la terre, en disant qu'il était le gérant de cet univers, en disant qu'il est des cieux et de la terre, en disant qu'il était la lumière des cieux et de la terre. Donc après avoir fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et les éloges d'Allah, puisqu'on avait dit il y a les louanges et il y a les éloges aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, il va mentionner les six choses qu'on a dit, qui ont précédé. Le prophète va évoquer que ta parole est vérité, ta promesse est vérité. Est-ce qu'on a mentionné dans la dernière allocution ta rencontre, le paradis, l'enfer, l'heure? Ensuite, le prophète, en somme, là, annonce et fait allusion ici à sa soumission complète, à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, ensuite, le prophète, en somme, va dire Bika amant. Après qu'il ait dit Allahumma laka aslamt, il va dire Wa bika amant. Et aussi, je crois en toi. C'est en toi que je crois. D'une manière plus littérale ici. Ici aussi, la préposition et le complément a été devancé. Donc c'est pour cela qu'il est dit « Wabika ament »« Wabika ament » et « En toi, j'ai cru » ou bien « En toi que je crois » on pourrait traduire de cette manière aussi « En toi que je crois » Donc après que le prophète sans âme ait dit « Et c'est à toi que je me soumets » « En toi que je crois » En toi que j'ai cru, on pourrait le traduire aussi de cette manière. On voit bien que le style d'éloquence utilisé ici dans cette invocation est très fort et immense. C'est pour cela que ça dénote vraiment ici la croyance du prophète Allahumma laka aslamt wa bika amant. Et lorsqu'il dit en toi j'ai cru. Donc ici, si on remarque bien, remarquez bien que le prophète sallam a fait dans un premier temps allusion à l'islam de manière générale, puisqu'il dit « Allahumma laka aslamt », donc il fait allusion à son islam, puisque l'islam c'est la soumission envers le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète dans un premier temps a fait allusion à son islam. Ensuite, dans un second temps, il fait allusion à la foi. Si on peut traduire de la sorte, à sa croyance. Il fait allusion à l'iman. Et c'est pour cela que l'auteur, Cheikh Al-Uthaymeen, regardez ce qu'il va dire. Il va dire premièrement ce qu'il faut savoir, « l'iman ou mahalluhu al-qalb ». La foi, ce qu'il faut savoir, premièrement, son endroit, le lieu où se trouve la foi, c'est le cœur. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدين الظاهر والدين الباطن كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محله القلب. Donc il dit comme cela a été évoqué par le prophète صلى الله عليه وسلم. Ensuite, l'auteur va faire allusion à deux choses. Il va faire allusion à ce qu'on appelle la religion apparente et la religion dissimulée ou bien cachée. Si vous voulez, ce qui fait partie des actes apparents et ce qui fait partie des actes non apparents, c'est-à-dire cachés. Et là, pour cela, il va dire Ad-din al-zahir wa ad-din al-batin. Lorsque l'auteur, Cheikh Al-Uthaymeen, fait allusion à la religion apparente, aux actes apparents et à la religion non apparente, c'est-à-dire aux actes cachés. Ici, il veut faire allusion à l'islam et à l'iman. L'islam et l'iman. Pourquoi ? Parce que maintenant, il explique le terme islam ou l'iman. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné son islam et son iman pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Shir veut nous enseigner ici une règle hein, célèbre chez les grands théologiens musulmans et les savants musulmans, que lorsque les deux termes sont évoqués d'une manière conjointe, lorsqu'ils sont évoqués conjointement, lorsqu'ils sont liés, ils sont cités par exemple ensemble dans une même phrase, par exemple, alors l'islam aura le sens de la religion ad-din al-zahir et l'iman aura le sens de ad-din al-batin, la religion non apparente. Donc l'islam aura le sens si les deux termes islam ou iman, c'est-à-dire l'islam et la foi, sont cités, la croyance, sont cités conjointement, ensemble, alors l'islam prendra le sens de des actes apparents, de la religion apparente, et l'iman prendra, aura le sens de, sous-entendra, si vous voulez, la religion non apparente, cachée, ce qu'on appelle ad-din al-zahir ou ad-din al-batin. Wa amma ad-din al-zahir, pour cela il dit, la religion apparente, dans ce cas-là, c'est l'islam ou al-batin, et ce qui est non apparent, c'est la croyance, c'est al-iman, c'est al-iman. Et c'est pour ça que vous retrouvez dans certains livres de grands savants musulmans, ils évoquent cette règle en la résumant, en disant, ils appellent ça « Idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a ». Ils disent, lorsqu'ils se... Je vous la traduis littéralement, la règle. « Idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a ». Lorsqu'ils se rassemblent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se rassemblent, littéralement. إِذَا اجْتَمَعَ اِفْتَرَقَ وَإِذَا افْتَرَقَ اِجْتَمَعَ. Lorsqu'ils se rassemblent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se rassemblent. Le sens de cela, tout simplement, les savants font allusion à lorsque deux termes sont rassemblés, alors les sens varient, c'est-à-dire, là, ils se séparent, ils n'ont pas le même sens. Et lorsqu'ils se séparent, dans le sens, lorsqu'ils sont cités séparément, isolément, alors dans ce cas-là, l'essence, iftaraqa, se rejoignent, se rassemblent. Là, ils ont le même sens. Entre autres, ici, par exemple, regardez, l'islam et l'iman, ces deux termes, l'islam et l'iman, lorsqu'ils sont cités ensemble, lorsqu'ils sont rassemblés, par exemple, dans une même phrase ou dans un même contexte, lorsqu'ils sont cités conjointement, alors l'essence, littéralement, se sépare, varie. Ils n'ont pas le même sens. C'est-à-dire que l'islam sous-entendra la religion apparente, les actes apparents, et l'iman sous-entendra les actions non apparentes, c'est-à-dire cachées. Là, ou plutôt cela, c'est lorsqu'ils sont cités conjointement et ensemble. Ils sont liés dans l'évocation et dans la citation. Sinon, si maintenant ils sont cités séparément, alors l'islam, si elle est mentionnée seule, aura le sens aussi bien des actes cachés comme des actes apparents, de la religion cachée et apparente, et l'iman aussi sous-entendra, aura le sens de la religion apparente et la religion cachée, comme on l'a dit précédemment. Et ça, c'est une précision à bien comprendre. Pourquoi ? Parce que l'auteur ici, Ibn Athaymin, le shir, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il fait allusion aux deux termes, à l'islam et à l'iman, lorsqu'ils sont cités conjointement, dans l'évocation et la mention, ils sont liés, ils sont cités ensemble. Donc il fait allusion à cela dans cette précision-là. Sinon, lorsqu'ils sont cités séparément, isolément, c'est-à-dire l'islam est cité seul, par exemple, est mentionné seul dans une phrase ou dans un contexte, et l'imam de même. Alors là, ils prennent leur sens respectif en quelque sorte. Donc là, il faut revenir au sens de l'islam. Qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce que l'imam ? Une belle définition, parmi les définitions pour bien comprendre qu'est-ce que l'islam et pour bien comprendre l'imam, qui sont des bases essentielles dans notre religion, le musulman, la musulmane doivent comprendre vraiment qu'est-ce que l'islam et le sens de l'islam et comment a été défini l'islam par les savants, de même al-iman, de même al-iman. Alors, beaucoup de savants ont apprécié une définition qui a été donnée par un savant, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur du livre de l'unicité, l'auteur de Al-Usul al-Thalatha, les trois principes, les principes fondamentaux, ou autre, le Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, ou autre livre encore. Ce même auteur donne une très belle définition lorsqu'il dit à l'islam, « Wa l'islamu lillahi bit-tawhid wa l'inqiyad wa lahu bit-taha wa al-bara'atu min ash-shirki wa ahli » que l'islam c'est la soumission à Allah Jalla wa Ala par l'unicité, par son unicité, et c'est la soumission à lui par son obéissance, et c'est le désaveu du polythéisme et des adeptes du polythéisme. Et beaucoup de savants ont apprécié cette définition qu'on retrouve, hein, que vous pouvez retrouver dans les livres de ce même auteur, et c'est pour ça qu'on la retrouve, cette définition, dans de nombreuses œuvres, de nombreux épîtres ou de nombreux livres d'auteurs contemporains et de savants contemporain, du fait que cette définition englobe, hein, et renferme l'essence, hein, les différents sens que dénote l'islam. Donc l'islam, tout simplement, si une personne, par exemple, se renseigne au sujet de l'islam, vous demande, mais qu'est-ce que l'islam ? Par exemple, une personne est intéressée par l'islam, tout simplement, l'islam, c'est quoi ? C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par son unicité, et c'est sa soumission, la soumission à lui par son obéissance, et c'est le désaveu de toute forme de polythéisme, tout simplement, et des adeptes de polythéisme. Tout simplement, voilà l'islam d'une manière très sommaire. En ce qui concerne l'iman, Cheikh va nous dire, l'iman ou bila, qu'est-ce que la croyance ou la foi ? La foi en Allah, qu'est-ce que la foi ? Il dit, la foi, ça comprend, premièrement, l'iqrar bihi, le fait de professer cela, la profession, si vous voulez, ou bien le fait de reconnaître l'existence d'Allah, c'est la croyance en lui. Al-mutadammin qui va sous-entendre al-qabul ou al-idhan, qui va sous-entendre al-qabul ou al-idhan. Ce qu'on appelle en arabe al-qabul, c'est l'acceptation. Et ce qu'on appelle al-idhan, c'est une sorte d'obéissance, c'est l'obéissance, une sorte de résignation. Donc, ici, Ibn Uthaymin, l'auteur, nous dit que la foi, c'est quoi ? C'est la reconnaissance, c'est la profession qui sous-entend, qui dénote l'acceptation ou l'idhan. L'acceptation de quoi ? De toutes les informations, tout ce que nous a enseigné Allah, Jalla wa Ala, de tout ce dont il nous a informé, Allah subhanahu wa ta'ala. Ou l'idhan, c'est l'obéissance et la résignation au commandement d'Allah, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici le sens de al-qabul ou al-idhan. C'est pour cela que l'auteur ici précise bien que la foi, ça sous-entend donc la reconnaissance, al-iqrar, la profession qui implique, qui dénote, ou bien va sous-entendre l'acceptation et la résignation, l'obéissance, si vous voulez. C'est-à-dire que la reconnaissance, reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, si cette croyance ne sous-entend pas aussi bien l'acceptation que la résignation, alors ici l'auteur nous dit cela n'est pas de la foi. Cela n'est pas considéré comme la foi. Regardez ce qu'il dit. Il dit la budd min qabul il khabar wa idhan il talab. La budd min qabul il khabar wa idhan il talab. Wa lihada qala ahl sunnah in al iman qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa atiqadun bil janan. Et de ce fait, regardez, il nous explique bien que la foi, pour que ça soit appelé et considéré comme de la foi, pour que ça soit une foi véritable, si vous voulez, la Bouddha, il est inéluctable, il est impératif qu'elle sous-entende, qu'elle soit accompagnée de l'acceptation, si vous voulez, l'acceptation de l'information, de tout ce qu'Allah Jalla Wala nous a enseigné et informé, et la résignation, l'obéissance en tout les commandements et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cette croyance-là, cette reconnaissance-là, cette profession-là est liée, accompagnée de l'acceptation et de al-idhan, l'obéissance et la résignation, alors cela est considéré comme al-iman, considéré comme la foi. Sinon, cette foi-là, reconnaissance-là, cette croyance-là, si vous voulez, cette profession-là, dénouée de toute acceptation et résignation, obéissance, alors cela n'est pas nommé, n'est pas considéré comme la foi véritable. C'est pour cela que ensuite, Ibn Athaymin, l'auteur, va faire allusion à la parole des grands savants musulmans, en l'occurrence à la parole des savants, connaisseurs et spécialistes de la sunna du messager d'Allah. وَقَالَ أَهْلُ sunna إِنَّ الْإِيمَانَ Ils ont défini la foi en disant, la foi, c'est la parole de la langue, hein, si vous voulez, la parole qui est au bout de la langue, la parole, ce qu'on profère avec la langue, ou amalun bil arkan, et c'est l'action des membres, ou i'tiqad bil janan, et la conviction. Voilà, la conviction du cœur. Voilà tout simplement la définition de l'iman. Comme précédemment, on a donné la définition de l'islam, là, l'auteur nous donne une définition de l'iman. Donc, c'est très pertinent d'avoir une définition brève et concise concernant les termes. En l'occurrence, ici, l'iman. Qu'est-ce que la foi religieusement? Donc là, on parle, c'est une définition religieuse. Hein, et faire la distinction lorsqu'on parle d'une définition étymologique avec la définition linguistique. Lorsque dans la langue arabe, on définit un terme, par exemple, l'iman dans la langue arabe, c'est at-tasdiq al-jazim. C'est une croyance résolue, en quelque sorte, en d'autres termes. Et en ce qui concerne la foi maintenant, dans son sens religieux, là on parle du sens religieux, qu'est-ce que la foi dans l'islam? Dans la religion, les savants nous disent que la foi, c'est la parole de la langue avec les actions des membres et la conviction du cœur. Et la conviction du cœur. Tout simplement, qu'est-ce que l'iman? La foi, c'est la croyance qu'il y a dans le cœur, c'est le propos, les propos avec la langue, hein, et c'est les actions des membres. Cela veut dire que la foi comprend aussi bien nos convictions, nos propos que nos actions. Regardez pour bien comprendre. Les convictions que vous avez, les intentions que vous avez, l'insincérité que vous avez, ça fait partie des actions du cœur. Ça fait partie de l'iman, ça fait partie de la foi. Vos convictions envers Allah, le fait d'avoir la conviction qu'Allah est unique, qu'Allah n'a pas été enfanté, n'a pas enfanté, n'a pas été engendré, n'a pas engendré, qu'Allah Jalla n'a pas de descendant ni d'ascendant, qu'Allah il est seul, qu'Allah est celui qui régit cet univers, qu'Allah est celui qui donne la vie et la mort, il est le Seigneur des cieux et de la terre, il est le Créateur, il est celui qui détient le pouvoir absolu sur ses créatures, qu'Allah il est le tout miséricordieux, qu'Allah Jalla est le grand pardonneur, qu'Allah Jalla est celui qui détient la science de l'inconnu, qui détient les clés du mystère et la science de l'invisible, Allah est celui qui a créé l'enfer et le paradis, Allah est celui qui va ressusciter les hommes, Allah est celui dont les gens vont comparaître devant lui, Allah Jalla est celui qui a envoyé des prophètes et des messagers pour avertir, annoncer une bonne nouvelle aussi, Allah Jalla est celui qui s'est établi au-dessus de son trône, Allah Jalla est celui qui est au-dessus de tout, Allah détient les plus beaux noms et les plus beaux attributs, vous avez vu, tout ça ce sont des convictions. Tout ça, ce sont des convictions. Tout ça fait partie de la foi. Par exemple, les propos, parmi les paroles, par exemple, le fait de glorifier Allah, le fait de faire du tesbih, le fait de faire du rappel d'Allah, le fait de lire le Coran, le fait de psalmodier, par exemple, lorsqu'on dit de réciter, hein, le Coran, par exemple, la récitation du Coran fait partie des adorations qu'on fait avec la langue. Le fait de dire Ashhadu anna, de témoigner an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, par exemple, le fait de témoigner qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, par exemple, tout cela, ce sont des adorations du cœur. Le fait, par exemple, maintenant, les adorations des membres, le fait de prier, le fait de jeûner, le fait d'accomplir le pèlerinage, le fait de faire des actions des membres, hein, des actions qu'on appelle physiques, corporelles, ça, ce sont des actions, ce sont des actes à travers les membres, ça fait partie de la foi. Donc, vous avez vu, la foi englobe et rassemble et renferme aussi bien les convictions du cœur, aussi bien les paroles, par exemple, une bonne parole faite avec une bonne intention pour se rapprocher d'Allah, par exemple, des actions qu'on fait. Un exemple. On donne un exemple. L'exemple du jeûne. Le jeûne du Ramadan. Je donne souvent cet exemple par rapport au contexte, le fait qu'on est dans le mois béni et noble du Ramadan et le fait qu'on jeûne le mois du Ramadan. Mais pas n'importe quelle période, on est en période de confinement. Donc, pas n'importe quel contexte, c'est un contexte bien spécial, c'est un contexte bien spécifique, le fait que une bonne partie des musulmans du monde, ils jeûnent ce mois du Ramadan, et en plus, dans un contexte de confinement. Donc, les gens ne sont pas confinés tous de la même manière, hein, selon les capacités financières, et selon les moyens de chacun. Donc il y en a par exemple qui sont dans des demeures plus vastes, il y en a qui sont dans des demeures plus restreintes, il y en a qui n'ont pas trop les moyens, il y en a qui vivent à plusieurs dans une petite maison, dans un petit foyer, il y en a qui vivent très peu dans une grande maison. Donc vous savez, ça diffère. Donc ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités financières, donc c'est pas tout le monde qui est dans la même situation. Donc c'est des situations pour beaucoup qui parfois sont difficiles, le confinement est difficile pour beaucoup, et ils jeûnent. Et bien le fait de jeûner, le fait que ces personnes donc sont confinées chez eux, donc ils n'ont pas forcément une grande occupation à l'extérieur, le fait qu'ils soient chez eux et qu'ils doivent jeûner, et ensuite ils vont rompre le jeûne à une certaine heure, et cela aussi diffère par rapport à la position géographique, hein, diffère par rapport à la position géographique, certains vont faire l'iftar, la rupture du jeûne, plus tôt, donc plus tard. La personne dans cette situation-là, dans ce contexte-là, qui jeûne, même s'il doit rompre le jeûne tard, et il est confiné chez lui, donc ça lui est plus dur du fait qu'il a moins d'occupation que les autres années. Cette personne, donc là, il est en train d'extérioriser ici sa foi et de prouver sa foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc sa conviction qu'il a dans le cœur, sa croyance qu'il a qu'Allah, Jalla est l'unique. Et qu'Allah, Jalla wa Ala, il nous a créés pour son adoration. Et que l'être, il sait qu'il doit adorer Allah, qu'il a été créé pour cela. Et du fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il est résigné. Et il s'est soumis à Allah, Jalla wa Ala, par obéissance. Donc il obéit à son Seigneur. Et que son Seigneur lui a ordonné de jeûner, par exemple, le mois du Ramadan. Et bien ça fait partie de la foi. Ça fait partie de l'iman. Et cette croyance qu'il a dans le cœur se reflète à travers ses membres. Donc vous avez vu, avec le jeûne du mois du Ramadan, on prouve la foi qu'on a en Allah, on prouve notre croyance, on prouve notre résignation et notre obéissance au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, plus il y aura des difficultés, plus la personne va patienter, parce que la patience, elle est dans trois choses. Il y a la patience face aux épreuves, mais il y a la patience aussi face aux interdits, le fait de s'abstenir d'interdits, de désobéir à Allah, ça fait partie des formes de patience. Mais aussi parmi les formes de patience, il y a la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, là par exemple, pour beaucoup de musulmans à l'heure actuelle qui jeûnent, le fait qu'ils soient confinés, le fait qu'ils attendent ensuite l'heure, le soir, au coucher du soleil, pour pouvoir rompre leur jeûne, là ils prouvent leur foi qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, et là ils sont dans la patience face à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, c'est pour ça qu'on a évoqué les trois formes de patience. C'est pour ça que les grands savants de l'islam nous enseignent qu'il y a trois formes de patience. Donc là, on est dans une forme de patience. La journée, les musulmans patientent. Patientent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que plus la personne endure, hein, plus la personne patiente et plus elle sera rétribuée. Comme dit le prophète, sallam, in arriva mil jaza, ma arriva mil bala. Certes, l'ampleur de la récompense va avec l'ampleur de l'épreuve. Plus la personne, il est dans une position, une situation difficile, et plus sa récompense sera grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a point de doute, comme on l'a dit hier, la promesse d'Allah va s'accomplir d'une manière inéluctable. Donc, Allah, Jalla wa Ala, il n'y a point de doute qu'il va gratifier et rétribuer ses serviteurs. Rétribuer ses serviteurs. C'est pour ça que ça, c'est un rappel, hein. On s'exhorte le fait que si, pour beaucoup, il est difficile de jeûner, par exemple, en période de confinement, et le fait qu'ils patientent dans l'obéissance à Allah, et ben là, on a un exemple de personnes qui sont en train de pratiquer la foi qu'ils ont, de refléter, c'est-à-dire cette foi qu'ils ont d'une manière interne se reflète à l'extérieur, d'une manière externe. Et aussi garder à l'esprit que le croyant qui est obéissant vers son Seigneur et qui observe les obligations, les prescriptions d'Allah, par exemple, en l'occurrence, qui jeûne et qui endure dans l'obéissance d'Allah, qui patiente dans l'obéissance d'Allah, celui qui est réellement soumis à Allah, cette adoration-là et ces adorations-là qu'il effectue, qu'il accomplit, c'est pour lui-même. Qu'il sache, le croyant, lorsque vous jeûnez, c'est pour vous-même, comme Allah Jalla wa Ala dit, on avait déjà mentionné le verset, فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, que celui qui est droit, il le fait pour lui-même. Pourquoi? Parce que le fait d'adorer Allah Jalla wa Ala ou pas, ça ne va rien rajouter ou diminuer au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est celui qui possède tout, Allah est le pouvoir absolu sur tout. Allah, ou al-Ghani, ou al-Ghani. Allah est le riche, celui qui se passe de tout. Allah subsiste par lui-même subhanahu wa ta'ala. Que ses serviteurs l'adorent ou non, ça ne va rien diminuer ou bien rajouter à son royaume. Le croyant, il fait ça surtout pour lui-même. Il fait ça pour son salut. Il fait ça pour satisfaire son Seigneur, pour atteindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on rentrera pas au paradis avec nos œuvres, mais on rentrera au paradis par la miséricorde, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sachez, cela, vous le faites pour vous. C'est vous qui bénéficiez de cela, dans le sens, c'est pour votre intérêt. C'est pour votre intérêt à vous-même. Le fait que vous soyez obéissant et soumis à Allah, Jalla wa'ala, c'est pour le salut et la paix de votre âme. Et ça, il faut bien toujours le garder à l'esprit. C'est pour votre salut. C'est pour la paix de votre âme et le repos de votre âme et pour connaître la félicité dans l'au-delà. Sinon, que vous l'adoriez ou non, Allah, vous n'allez pas diminuer de tout ce qu'il possède. Vous n'allez pas diminuer ou augmenter de sa richesse. Allah est celui qui possède tout, subhanahu wa ta'ala. Allah, Jalla wa ala, est celui qui détient les plus beaux noms, les plus beaux attributs. Allah est celui qui a créé tout cet univers. Allah est celui qui est le détenteur de toutes choses. Vous n'allez rien diminuer à son royaume. Subhanahu wa ta'ala. Donc cette adoration-là, cette patience-là, cette persévérance, cette endurance, vous la faites pour vous-même, pour votre salut, pour votre félicité. Pour cela, le jeûne, c'est un exemple d'adoration, et c'est les adorations qui font partie de la foi, justement. Et de ce fait, vous avez compris comment s'extériorise cette foi. Et donc, ces actions-là, ces adorations-là, font partie de la foi. Regardez, par exemple, à titre d'exemple encore, Le musulman ou la musulmane, lorsque le matin, on se réveille. Le matin, le musulman doit se réveiller pour accomplir sa prière de l'aube, accomplir la prière du Fajr. Et le soir, il attend Salat al-Isha, par exemple. Et surtout en période d'été, lorsque le Fajr est tôt et lorsque l'Isha est très tard. Le fait d'attendre et de rester réveillé pour prier sa Salat al-Isha, sa dernière prière, la prière de la nuit, al-Isha. Et le fait ensuite de se réveiller pour prier la prière de l'aube. Là, le croyant prouve sa croyance et prouve sa foi. Et donc ça, cela fait partie de la foi. Ces actions-là font partie intégrante de la foi. C'est pour cela que lorsque la personne il a la foi, lorsque la personne il a la croyance dans son cœur, cela va apparaître à travers les membres et à travers les actions. Lorsqu'une personne, par exemple, d'une manière interne, une personne a un bon fond, lorsqu'une personne est bonne et a un bon fond, eh ben cette bienfaisance, cette bonté-là va s'extérioriser et elle va apparaître. Elle va se refléter, si vous voulez. C'est pour cela que ces actions-là font partie de l'iman. C'est pour cela que dans l'islam, la foi, ça comprend aussi bien la parole, aussi bien les convictions du cœur et aussi bien les actions. Et le fait de dire, par exemple, que la foi, c'est que dans le cœur, et la foi, c'est quelque chose de privé, quelque chose qu'il ne faut pas extérioriser, ça doit rester à la sphère privée. Et que le fait, par exemple, d'afficher des signes religieux, c'est afficher des signes ostentatoires. Et ben tout cela, le fait de dire donc que la foi, c'est quelque chose qui ne s'extériorise pas, la foi, ça doit rester à la sphère personnelle et privée, et ben ça, c'était le coup de grâce et le coup final qui a été donné à la communauté chrétienne. À l'époque, la pensée chrétienne et la pratique, on va dire, chrétienne, a été en quelque sorte éradiquée avec cette pensée-là, avec cette théorie-là. Le fait qu'on leur ait inculqué que la foi, c'est quelque chose qui rentre dans la sphère privée et personnelle de la personne. Et lorsque, par exemple, il affiche un signe religieux, de manière apparente, alors c'est afficher un signe ostentatoire. Et ben ça, tout cela, ça a été la cause pour éradiquer justement la pratique chrétienne. C'est pour cela qu'ensuite, la pratique chrétienne, ensuite, dans beaucoup de sociétés, lorsqu'on observe beaucoup de sociétés, on voit que petit à petit, elle s'est effacée petit à petit du champ public. C'est pour ça que ces sociétés à la base qui étaient des sociétés à la base qui étaient régies, qui étaient des sociétés qui étaient chrétiennes, hein, où la pratique était apparente et la pratique était ou faisait partie du quotidien des gens, petit à petit elle s'est effacée, elle a commencé à disparaître du champ public comment, avec ces idées. Le fait de dire que la foi, eh ben, c'est quelque chose qui fait partie de la sphère privée, personnelle. Il faut pas afficher des signes. Pourquoi? Parce que ça serait afficher des signes ostentatoires. Eh ben, ça a été la cause pour éradiquer la pratique chrétienne. Et justement, c'était le coup de grâce. Et c'était le coup final. Pour l'islam, en ce qui nous concerne, nous, notre pratique fait partie de notre foi. Donc la pratique de la religion, l'observance des actions, de ces adorations-là, fait partie de notre foi. Et celui donc qui veut extérioriser sa foi, donc il ne peut le faire sans accomplir ses actes d'adoration. Pour cela, on trouve que c'est très explicite. Regardez, observez la vocation du prophète lorsqu'il fait premièrement allusion à son islam et ensuite il fait allusion à sa croyance, à son iman. Allahumma laka aslamt wa bika amant. Allahumma laka aslamt. Ô Seigneur, pour toi, je me suis soumis et wa bika amant. Et en toi, je crois en toi, j'ai la foi, si vous voulez. Donc c'est très pertinent. Donc il fallait bien observer ça, que le prophète a fait allusion aussi bien à son islam et ensuite fait allusion à sa croyance, à son iman. C'est pour cela que on a un très beau hadith aussi. On a un très beau hadith du prophète. Il y a un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: "La yastaqim imanu 'abd hatta yastaqim qalbuhu, hatta yastaqim qalbuhu, wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanu, hatta yastaqim lisanu." Il y a un très beau hadith de Anas ibn Malik qui disait que le prophète un jour a dit: la foi de l'individu, du serviteur, ne sera pas droite jusqu'à ce que son cœur soit droit. وَلَا يَسْتَقِمْ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِمَ لِسَانُهُ. Et son cœur ne sera pas droit jusqu'à ce que sa langue sera droite. Jusqu'à ce que sa langue sera droite. Regardez, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait: لَا يَسْتَقِمْ إِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِمْ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِمَ لِسَانُهُ. Donc la foi du serviteur ne sera pas droite jusqu'à ce que son cœur soit droit, et son cœur sera droit jusqu'à ce que sa langue sera droite. Et ça fait vraiment un rappel au fait d'avoir un cœur pur. Le fait d'avoir un cœur pur, dénué de toute forme d'hypocrisie, de mécréance, toute forme d'envie, de jalousie interdite, dénué de toute forme de choses qui pollue les cœurs, si vous voulez, et que la langue soit droite. Regardez, que la foi soit droite, il faut un cœur droit. Et pour avoir un cœur droit, il faut que la langue soit droite. Donc regardez, celui qui veut un cœur pur, qui veut un cœur bon, il faut que la langue soit droite. C'est-à-dire que ce qu'on profère, les paroles qu'on profère, proférer des bonnes paroles. Pour ça revient au hadith du prophète, que celui qui croit en Allah et aux jordaniers, qui disent du bien, qu'il se taise. Le fait de garder le silence. Et donc, regardez, ça, c'est un bon rappel pour avoir un cœur pur et un cœur bon, hein. Un cœur qui n'est pas entaché et souillé par toute forme de choses qui sont des fléaux, ce qu'on appelle les fléaux des cœurs. Et bien, regardez, avoir une langue droite. Ensuite, on continue. Le prophète, après avoir fait allusion à l'islam et au iman, ensuite, le prophète dit: et en toi, je me remets. Et en toi, je me remets. Et là, il dit: وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتَ. Et là, c'est important aussi, où le prophète, sallam, il va nous dire: أَيْ اِعْتَمَدْتُ اَعْتِمَادًا تَمَّنْ مُعْتَرِفًا بِتَقْصِيرِي مُعْتَرِفًا بِتَقْصِيرِي وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَيْكَ. وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّوَكُّلِ عَلَى الْإِنسَانِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ. وَالتَّوَكُّلُ عَلَى الْإِنسَانِ لَيْسَ تَوَكُّلٌ افْتِقَارٍ وَتَفْوِيضٍ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلُ افْتِقَارٍ وَتَفْوِيضٍ. Et là ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire allusion à sa pleine rémission envers Allah, en sa confiance, toute la confiance qu'il a en son Seigneur. Ensuite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait allusion à l'islam et à l'iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait dit: et pour toi je me suis soumis, et en toi je crois, le prophète dit: wa alayka tawakkalt, et je m'en remets complètement à toi. Je m'en remets complètement à toi. Donc vous avez vu, hein, le prophète dans cette invocation, vraiment, c'est une invocation qui est immense, et les sens sont inestimables, du fait que, regardez, le prophète, après avoir fait allusion à l'iman, comme on a dit, et la foi, le prophète fait allusion à cette adoration qui est immense, la pleine rémission et confiance qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le sens de at-tawakkul? Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'en remet complètement à Allah, en arabe on appelle ça at-tawakkul. An al-insan yatawakkal ala Allah. comme c'est mentionné souvent dans de nombreux versets. Quel est le sens de cela ? Quel est le sens lorsqu'on dit « je m'en remets complètement à toi, au Seigneur » ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela sous-entend ? L'auteur ici, Ibn Uthaymeen, va nous expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela sous-entend ? Cela veut dire « ay i'tamadtu », c'est-à-dire « je m'appuie, je m'en remets complètement à toi ». En reconnaissant mes déficiences et mes manquements. C'est-à-dire, c'est le fait vraiment de s'appuyer, le fait de s'en remettre, hein, de placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant nos déficiences et nos manquements. En reconnaissant nos déficiences et nos manquements. Et en remettant toutes nos affaires à lui. Et toutes nos affaires, on les remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen va, l'auteur va vraiment nous illustrer quelque chose. Il va nous dire, et de ce fait, si on a compris cela, que la complète rémission en Allah jalla wa ala, c'est le fait de s'en remettre à lui, mais d'une manière complète et totale. Le fait de se remettre à Allah jalla wa ala d'une manière complète et total, en reconnaissant nos déficiences et que toutes nos affaires, on les remette à lui. On les fasse revenir à lui, subhanahu wa ta'ala. Si on a compris le sens de cela, du tawakkul, de la réelle rémission pleine, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de placer toute notre confiance, si vous voulez, tawakkul, c'est le fait de placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez comprendre la différence, puisqu'ici l'auteur va, si vous voulez, illustrer, insister sur la différence qu'il y a lorsqu'on s'en remet à Allah et lorsqu'on fait confiance complète, d'une confiance complète à Allah, jalla wa'ala, et lorsque, par exemple, on charge quelqu'un et on fait confiance à une tierce personne. Lorsqu'on fait confiance à une tierce personne. Alors, il dit, parfois, on peut confier des affaires. On peut confier quelque chose à une tierce personne parce qu'on lui fait confiance, donc on lui demande de mener à bien l'une de nos affaires. On va lui demander, par exemple, de nous acheter quelque chose ou de nous faire quelque chose et on va lui faire confiance. On va lui faire confiance dans cela. Cette confiance-là, le fait qu'on va lui remettre une affaire, on va le charger d'une affaire pour nous et donc on va s'en remettre en quelque sorte à lui en lui faisant confiance pour cela. Il dit, ça n'a rien à voir avec la confiance qu'on voit Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces deux choses sont différentes. Il faut bien comprendre. Et la différence, elle est où? Il dit, la différence, elle est dans le fait que lorsque vous confiez quelque chose à une personne et vous lui faites en quelque sorte confiance, vous en mettez à lui en quelque sorte parce que vous lui faites confiance. Il dit, premièrement, cette confiance-là n'est pas comme celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que la confiance d'Allah, elle est mêlée de ce qu'on appelle iftiqar wa tafwid. L'iftiqar, c'est quoi ? C'est l'appauvrissement, c'est la dépendance, c'est le fait d'être indigent. C'est-à-dire lorsqu'on s'en remet et on place toute notre confiance en Allah, jalla wa ala, ici, c'est le fait qu'on est dépendant, le fait qu'on est indigent, le fait qu'on n'a pas le choix, le fait qu'on s'en remet complètement à lui avec toute humilité. Et ici, il y a une sorte d'appauvrissement. Vous avez vu, c'est mêlé d'appauvrissement et de tafouid. Et tafouid, c'est le fait vraiment de remettre toute l'affaire à lui. Et donc, lorsqu'on remet nos affaires à Allah, jalla wa'ala, ensuite, on lui fait complètement confiance. Mais aussi, on est rabaissé par cela, on est dépendant. Il y a une sorte d'appauvrissement en cela. C'est cela ce que nous explique Ibn Uthaymeen ici, rahimahullah, lorsqu'il dit que cette rémission et cette toute confiance qu'on place envers Allah, envers notre Seigneur, elle est mêlée de iftiqar wa tafwid. Donc on s'en remet à lui, on a confiance en Allah, jalla wa ala, et toute notre confiance est placée en lui du fait que là, l'individu, il est soumis à son Seigneur avec toute humilité, avec toute humilité et toutes ses affaires, il sait qu'Allah, Jalla wa ala, Allah est le garant. Allah, subhanahu wa ta'ala, est le garant. Et il est celui dont on s'appuie. Par contre, lorsqu'on remet une affaire à une tierce personne, C'est différent. Pourquoi? Par exemple, on peut mandater une personne, charger une personne de nous acheter quelque chose. On a besoin d'une chose. La personne, on va la mandater. Dans ce cas-là, on lui fait confiance pour mener à bien cette affaire d'aller nous acheter quelque chose, par exemple. Il dit, mais par contre, ici, le fait de lui faire confiance, cette confiance-là n'est pas mêlée d'une manière absolue de d'appauvrissement ou d'humilité ou de dépendance. Ou de dépendance. L'Iannaka, pourquoi? Parce que si tu veux lui enlever cette charge, si tu veux qu'une autre personne te fasse cette chose-là, ou si tu n'as plus confiance en lui, tu veux le décharger de cette chose, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tandis que Allah, Jalla wa Ala, cela n'est pas possible et cela n'est pas faisable. On s'en remet constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ça, cela est d'une manière absolue. Et d'une manière absolue. Donc toutes nos affaires, on les remet à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا هو الفرق بين التوكل الذي لا يصح إلا لله. Il dit, c'est ça la différence qu'il y a dans la confiance qu'on doit vouer exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que il y a une confiance, c'est-à-dire on peut charger parfois des individus, leur faire confiance sur quelque chose. L'insan, on appelle ça thiqa, yathiq bihi, et lui remet une affaire, et il espère que cette personne va mener à bien cette affaire dont il l'a chargée. Ça, c'est différent. C'est quelque chose de différent. La confiance qu'on place en Allah, subhanahu, c'est autre chose. Ça, c'est une confiance qu'on appelle d'adoration. Tout no notre espoir, toute notre confiance, toute notre émission est vouée à Allah subhanahu seul et vouée à Allah seul. On sait par exemple que lorsqu'on accomplit quelque chose, celui qui accorde le succès, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut mener à bien quelque chose, on fait les causes pour que cette chose se produise bien, mais on sait ensuite celui qui accorde le succès, celui qui décrète et prédestine le bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui prédestine la réussite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'en toute chose, le croyant s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait mentionné al-islam et qu'il ait mentionné al-iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné at-tawakkul. Lorsqu'il a dit, pour toi je me suis soumis, en toi je crois, ensuite il dit, et je place toute ma confiance en toi. Alayka. Donc on va se quitter sur cela et on continuera demain sur les autres sens de l'invocation. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.